إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir l'étude de cette épître dans laquelle nous voyons différents préceptes parmi les préceptes des gens de la Jahiliya que l'islam a aboli et au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la Jahiliya. Et comme on l'a mentionné, l'objectif de la connaissance de ces préceptes est de les connaître afin de s'en écarter et de pouvoir s'en préserver. On va donc voir ce soir quatre des préceptes mentionnés par l'auteur rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah al-mas'alatu al-hadiyatu 'ashara al-istidlal bil-qiyas al-fasid ka qawlihim in antum illa basharun mithluna. Le onzième précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait de prendre pour preuve la fausse analogie ou l'analogie erronée, comme dans leurs paroles vous n'êtes que des hommes comme nous, en s'adressant au messager, alayhim salatu wassalam. On va directement lire le précepte suivant, car il est lié à celui-ci. Il dit, rahimahullah, al-mas'alatu thaniyatu 'ashara, inkaru al-qiyas al-sahih, wal-jami'u li-hada wa ma qablahu, adamu fahmi al-jami'i wal-fariq. Donc le douzième précepte, c'est le contraire du onzième, c'est le rejet de l'analogie authentique. Donc ils ont pris pour preuve la fausse analogie, ils ont rejeté l'analogie authentique. Et ce qui réunit entre ces deux points est leur incompréhension de ce qui permet de réunir entre deux choses ou de les dissocier. Donc ces deux préceptes, ils sont proches et ils vont ensemble en réalité. Et c'est le fait que les gens de la Jahiliya, ils se basaient sur des analogies erronées, des fausses comparaisons, et ils rejetaient les analogies authentiques. Donc tout d'abord, afin de bien comprendre ce précepte, il est nécessaire pour nous de comprendre qu'est-ce que le qiyas? Qu'est-ce que l'analogie? L'analogie, c'est le fait de joindre une chose à une autre, dans son jugement, car elles ont des traits communs. C'est le fait de joindre une chose à une autre dans son jugement, car elles ont des traits communs, des points en commun, et qu'elles contiennent toutes les deux la cause justifiant le jugement. On va donner un exemple pour que cela soit plus clair. Le vin, il a été interdit en islam, d'après les textes du Coran et de la Sunna, à ce sujet. Et la cause justifiant ce jugement, c'est que le vin est enivrant. Donc à partir de là, toute boisson, qui elle aussi est enivrante, on va la joindre au vin dans son jugement. Pourquoi? Car la cause justifiant ce jugement est présente. Cette cause, c'est l'enivrement. Donc ceci, chez les savants des fondements de la jurisprudence, cela s'appelle qiyas al-illah, l'analogie en fonction de la cause. Et cette analogie a les différentes conditions qui sont mentionnées dans les livres de fondement de la jurisprudence. Et si une de ces conditions est absente, alors l'analogie est erronée. Et elle ne peut pas être valide, et il n'est en aucun cas permis de se baser sur celle-ci pour affirmer un quelconque jugement. Et ce précepte, en réalité, c'est un précepte très dangereux. Car beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur et dans l'égarement à cause d'analogies erronées, en faisant des fausses analogies, des fausses comparaisons entre les choses. Le premier à être tombé dans l'analogie erronée, c'est Iblis, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner pour Adam, alayhi salam. Qu'est-ce qu'Iblis a répondu? Qala ana khayrun min. Il dit, je suis meilleur que lui. Pourquoi? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc Iblis, il a prétendu que le feu était meilleur que l'argile, meilleur que la terre. Et de ce fait, comme lui est créé de feu et que Adam est créé d'argile, alors il a prétendu être meilleur que Adam, alayhi salam. Et ceci est une analogie erronée. Premièrement, car le feu, il n'est pas meilleur que la terre en réalité. Au contraire, la terre, l'argile, est bien meilleure que le feu. Car le feu, il va brûler et détruire les choses. Alors que dans la terre, tu vas faire pousser des choses, pousser des graines, et ainsi de suite parmi les bénéfices dont on va tirer de la terre. Donc, si on voudrait réellement comparer entre cela, entre la terre et le feu, on aurait dit que la terre est meilleur que le feu. Mais en réalité, ici on ne doit pas se baser sur une quelconque analogie, mais on doit se baser sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Et de la même manière, les polythéistes se sont servis de ce genre d'analogie pour démentir les messagers alayhimus salatu wassalam. Et ils ont dit, comme dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, « In antum illa basharum mithluna »« Vous n'êtes que des hommes comme nous. » Ils ont donc pris comme argument de la fausseté du message des messagers alayhimus salatu wassalam qu'ils étaient des hommes comme eux. Et selon eux, il n'est pas possible qu'un homme soit envoyé comme messager. Et ça, en réalité, c'est une analogie erronée. Car c'est une analogie faite entre deux choses qui sont distinctes. En effet, les messagers, alayhimus salatu wassalam, même s'ils sont des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette ambiguïté et cette analogie erronée et il a dit « قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ». Leurs messagers leur dirent « Certes, nous ne sommes que des humains, comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés en nous choisissant pour transmettre son message. Donc votre analogie, c'est une analogie erronée, car vous avez comparé entre deux choses distinctes. Car si tu médites sur la situation des hommes, tu verras qu'ils ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous semblables. Parmi les hommes, il y a le croyant, mais il y a aussi le mécréant. Parmi les hommes, il y a les messagers, alayhimus salatu wassalam, il y a les savants, il y a les gens vertueux, et d'un autre côté, il y a les gens ignorants, les gens pervers, les gens mécréants. Donc les hommes, ils sont différents, ils ne sont pas tous du même rang. Et ce qui est surprenant venant de la part des polythéistes, et qui montre que ceci n'était que des excuses pour rejeter la vérité, c'est qu'ils étaient dérangés par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie un messager qui est un homme choisi parmi eux. Par contre, cela ne les dérangeait pas d'attribuer la seigneurie et l'adoration à des pierres ou à des arbres. Pour eux, un homme ne pouvait pas être un messager. Un homme ne pouvait pas recevoir la révélation. Par contre, une pierre et un arbre pouvaient être adorés. On voit donc qu'ils étaient plongés dans un égarement évident. Et comme on a dit, cette analogie erronée, elle a plongé de nombreuses personnes dans des choses blâmables et des choses s'opposant à la noble législation de l'islam. À titre d'exemple, ceux qui sont tombés dans le polythéisme majeur en demandant l'intercession aux vertueux ou aux prophètes. Pourquoi ils font cela? Ils font cela car ils ont comparé, ils ont fait une analogie entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Et cette analogie, il n'y a pas de doute que c'est une analogie erronée. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être comparé à ses créatures. Ils ont donc dit, dans ce bas monde, si tu as besoin d'adresser une demande à un roi, alors tu vas avoir besoin de prendre des intermédiaires. Tu vas adresser cette demande à cet intermédiaire qui lui la transmettra au roi, puis le roi répondra à ta demande. À partir de cela, ils ont dit, de la même manière, nous sommes trop insignifiants, nous faisons des péchés, alors nous ne pouvons pas nous adresser directement à Allah. Nous allons prendre des intermédiaires. Ils ont alors invoqué autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les vertueux et les prophètes, sous prétexte que cela allait transmettre leur demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la base de cet égarement, c'est quoi? C'est l'analogie erronée. Le fait de comparer entre deux choses qui sont totalement distinctes. Et la majorité des gens de l'innovation, parmi les différents groupes, se sont égarés dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce genre d'analogie erronée. On voit donc la gravité et la dangerosité de ce précepte qui fait partie des préceptes des gens de la jahiliya. Et dans le précepte suivant donc, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a ajouté que ces gens, en plus d'utiliser d'analogies erronées pour rejeter la vérité, ils ont en même temps rejeté l'analogie authentique. Et quelle est cette analogie authentique? C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un messager aux hommes, alors sa sagesse, elle implique que ce messager soit un homme comme eux. Et ce, afin qu'il puisse leur exposer le message, qu'il puisse leur transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur montrer l'exemple dans la religion. Ceci fait partie de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui a conduit les gens de la jahiliya à user de ces deux préceptes, de rejeter l'analogie authentique et de prendre pour argument des analogies erronées, c'est leur ignorance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qui permet de réunir entre deux choses ou ce qui permet de dissocier deux choses. Ce qui permet de réunir entre deux choses, c'est ce sur quoi on va baser l'analogie authentique. Et ce qui les dissocie, cela va être la cause de l'invalidité de l'analogie entre ces deux choses. Comme on a dit avec l'analogie de Iblis en prétendant qu'il était meilleur que Adam, alayhi salam, ou l'analogie des polythéistes, ceux qui prennent des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le précepte suivant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va aborder un sujet qui est également d'une grande importance. Il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu thalithatu ashara, al-ghuluwu fil ulama'i was-salihin. Le 13e précepte, c'est l'exagération au sujet des savants et des vertueux. Ka qawlihi ta'ala, Ya ahla al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Ceci fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya. Ils exagéraient au sujet de leurs savants et au sujet des gens vertueux au point même de leur accorder des attributs de la seigneurie ou des attributs divins. L'exagération, c'est une chose qui est très dangereuse. Et elle désigne le fait de dépasser les limites. C'est-à-dire d'élever une personne au-dessus de son rang qui lui convient. Les gens de la jahiliya, ils ont exagéré sur certains individus, au point de les prendre pour seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont fait les juifs avec Uzair, en disant que c'était le fils d'Allah. Et comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, alayhi salam, en disant qu'il est le fils d'Allah ou qu'il est lui-même Allah. De la même manière, le peuple de Nuh, alayhi salam, on a vu précédemment qu'ils ont exagéré au sujet de gens vertueux de leur peuple, en fabriquant des statues à leur effigie et en les adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont donc pris pour divinité en dehors d'Allah. Et de la même manière, les différents groupes qui sont tombés dans le polythéisme jusqu'à nos jours. Ils exagèrent au sujet des gens vertueux. Ils font le tawaf autour de leur tombe. Ils font des sacrifices pour les morts. Ils implorent l'aide et le secours des habitants des tombes. Ils les invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci provient de l'exagération et qu'il leur redonnait un rang qui n'est pas le leur. Donc on voit que l'exagération, elle est dangereuse. Elle peut mener son auteur au polythéisme majeur. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a sévèrement mis en garde contre cela. Il a dit dans un hadith, « N'exagérez pas à mon sujet comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Maryam. » Et ce qui est visé par l'exagération ici, c'est l'exagération dans les éloges. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son messager. » Voyez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de donner à chacun sa juste valeur. Lui-même, on ne doit pas exagérer à son sujet. Mais on dit de lui qu'il est le serviteur d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exagération, c'est ce qui a fait tomber les gens de la jahiliya, parmi les gens du livre, ou les Ummiyin, les Arabes, dans le polythéisme majeur. Et ce car ils ont exagéré au sujet des vertueux, au sujet des prophètes, en leur accordant des attributs divins ou des attributs de la seigneurie. Ils les ont alors adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit cette exagération. Comme dans le verset que l'on vient de lire, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. « Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. » Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. « Innama al-Messih Isa ibn Maryam, Rasulullah. » Le Messie, Isa, le fils de Maryam, n'est que le messager d'Allah. C'est-à-dire, ce n'est pas lui le Seigneur, ce n'est pas lui qui mérite l'adoration, mais l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit d'exagérer au sujet d'une quelconque créature, en l'élevant au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Car l'exagération, comme on a dit, elle mène au polythéisme, comme cela est arrivé aux juifs et aux chrétiens. Les juifs et les chrétiens, ils ont exagéré au sujet des prophètes, alayhimus salatu wassalam, mais ils ont aussi exagéré au sujet de leurs savants et de leurs adorateurs, les rabbins et les moines. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines en tant que seigneurs en dehors d'Allah. Comment les ont-ils pris en tant que seigneurs en dehors d'Allah? En exagérant à leur sujet. Au point de croire que leurs savants, leurs rabbins et leurs adorateurs, leurs moines, avaient le droit de légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En rendant licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et en interdisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Et ceci provient de l'exagération. Ils leur ont donné un droit qui n'était pas le leur, le droit d'altérer la religion, comme ils le font jusqu'à nos jours. Tu vois, les représentants, parmi les représentants des gens du livre, comme le pape ou autre, changer des choses de leur religion. Il est donc obligatoire pour nous de reconnaître le rang qui convient à chaque personne. Les messagers, alayhimus salatu wassalam, ils ont un rang et un mérite particulier. Toutefois, cela reste des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas le droit à l'adoration. De la même manière, les gens vertueux, il est de notre devoir de reconnaître leurs vertus et de les respecter. De la même manière en ce qui concerne nos savants, nous devons reconnaître leur science, reconnaître leurs mérites qu'ils ont sur la communauté. Toutefois, nous ne devons pas exagérer à leur sujet, en pensant que certains parmi eux seraient infaillibles, en pensant que certains parmi eux ne pourraient se tromper, ou autres parmi les formes d'exagération. Et chaque savant, on doit lui donner sa juste valeur, et ne pas l'élever au-dessus du rang qu'il mérite. Les savants ne sont pas tous du même rang. Il y a parmi des gens de science, certains qui sont de grands savants, qui ont une longue expérience, de longues années dans la science et dans le prêche, dans l'enseignement, qui ont reçu de grandes éloges de leurs confrères parmi les gens de science. Car ce sont les gens de science eux-mêmes qui nous indiquent qui sont leurs confrères parmi les gens de science. Ce ne sont pas les gens du commun qui désignent qui est un grand savant, qui est un savant ou qui ne l'est pas. Mais ce sont les gens de science qui nous indiquent cela. Donc chaque savant doit lui être accordé le rang qu'il mérite en fonction de sa science et ainsi de suite. Et parmi les formes d'exagération qui sont propagées aujourd'hui chez certains parmi les gens qui s'affilient à la sunna, il y a le fait de penser que un tel parmi les savants ne peut pas parler en vain et ne parle pas sous l'effet de la passion. Et s'il parle sur une affaire, c'est qu'il a forcément des preuves, même s'il ne les a pas exposées. Et ça, c'est une forme grave d'exagération. Car le fait de ne pas parler sous l'effet de la passion, c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc ceci fait partie des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les formes d'exagération qui sont répandues chez certaines personnes s'affiliant à la sunna, il y a le fait de croire qu'il n'est pas permis de réprimander les erreurs dans lesquelles sont tombées certaines personnes affiliées à la science ou à la prédication. Même si ces erreurs sont du domaine des grands péchés. Même si ces erreurs dans lesquelles il est tombé sont des choses qui s'opposent au fondement des gens de la sunna. Il pense que sous prétexte que c'est un savant, alors son erreur ne doit pas être réprimandée. Et ceci également est une forme d'exagération qui doit être blâmée. L'erreur, elle doit être corrigée, quel qu'en soit son auteur. Car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bien plus importante qu'un tel ou un tel parmi les gens affiliés à la science ou à la prédication. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant les individus. Donc si quelqu'un fait une erreur, surtout si c'est une erreur s'opposant au fondement parmi les fondements des gens de la sunna, ou qu'il commet un grand péché, ou autre parmi les erreurs, et qu'il ne se repent pas et ne veut pas se corriger, alors il n'y a pas de doute qu'il faut avertir les musulmans contre cette erreur, comme on l'a dit dans le cours d'hier, afin qu'il ne soit pas leurré par sa position et qu'il le prenne pour exemple. Également, parmi les formes d'exagération qui sont propagées chez certaines personnes s'affiliant à la sunna, il y a le fait d'élever certains individus affiliés à la science ou à la prédication au-dessus du rang qu'ils méritent, en les considérant par exemple comme le plus grand savant de tel ou tel pays, ou le moufti de tel continent, ou autre forme d'éloges qui sont démesurés. Il faut donc prendre garde à toutes ces formes d'exagération, car comme on l'a dit, l'exagération, c'est une des voies qui peut mener au polythéisme. Il faut donc prendre garde à cela et toujours avoir en tête la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a mis en garde et qui a dit: prenez garde à l'exagération dans la religion, car certes, ce qui a anéanti, ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédé, est l'exagération dans la religion. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. Le quatorzième précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est que tout ce qui a précédé, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, parmi les préceptes que l'on a vus, est basé sur une règle, qui est la négation et l'affirmation. Ou alors, on pourrait dire également le rejet et l'acceptation. Ils suivent donc leur passion et la conjecture et se détournent de ce avec quoi sont venus les messagers, alayhimu salatu wassalam. Donc tous ces préceptes que l'on a vus jusqu'à maintenant et que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné afin de nous mettre en garde contre cela et que nous nous en écartions, les gens de la Jahiliya, ils sont tombés dans ces préceptes et ce en se basant sur une règle qui consiste à rejeter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah a affirmé et a accepté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renié. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, ils le rejettent et ils s'en détournent. Ils suivent leurs passions et les conjectures. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié ou interdit, alors eux ils le suivent et le mettent en pratique. Et c'est pour cela qu'ils se sont égarés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit le shirk. Et il a affirmé et ordonné le tawhid, le fait de lui vouer un culte exclusif. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse. Ils ont rejeté le tawhid, ils ont rejeté l'unicité, le culte qui doit être voué exclusivement à Allah, et ils ont affirmé le polythéisme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. Il en est ainsi car lorsqu'Allah est invoqué seul, sans associé, vous mécroyez. Ils mécroient lorsqu'Allah est invoqué seul. Et si on lui donne des associés, alors vous croyez. Ils ont fait l'inverse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc ceci est la règle des gens de la Jahiliya, celle qu'ils ont empruntée afin de s'écarter et se détourner de ce avec quoi sont venus les messagers alayhim salatu wassalam. C'est-à-dire de faire le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union dans la religion. Eux, ils ont préféré la division. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné l'obéissance aux détenteurs de l'autorité. Eux, ils ont préféré l'insoumission et ils ont considéré le fait d'obéir aux détenteurs de l'autorité comme une honte et un rabaissement. Et ainsi de suite avec l'ensemble des préceptes que l'on a vus. Et la cause de tout cela, c'est qu'ils ont préféré suivre leur passion plutôt que de suivre ce avec quoi sont venus les messagers alayhi salatu wassalam. Ils ont donc rejeté tout ce qui est venu parmi les règles de la religion, et ont suivi le contraire de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Les passions, c'est une chose très dangereuse. Et les passions, cela désigne ce pour quoi l'âme a un penchant, ce que l'âme désire, ce par quoi l'âme est attirée. Et généralement, l'âme, elle est incitatrice au mal. Et c'est pour ça que la personne, elle doit prendre garde à ne pas suivre ses passions, mais à se soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, à s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, même si ce n'est pas ce que son âme désire. L'ensemble des transgressions et des oppositions aux règles de la religion dans lesquelles tombent les gens, la cause de tout cela, c'est le suivi des passions. Car les passions, elles empêchent l'acceptation de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Mais s'ils ne te répondent pas, s'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils suivent seulement leurs passions. et ce car la vérité elle est unique. Donc celui qui se détourne de la vérité, c'est qu'il a emprunté le chemin de ses passions. Donc ce qui est obligatoire pour nous, c'est de ne pas s'opposer à la vérité, mais de rechercher sans cesse ce qui nous permet d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas ce à quoi nos âmes, incitatrices au mal, nous appellent. Il y a certaines personnes qui ont pris cette règle comme les gens de la Jahiliya. Alors, ils vont tout le temps chercher à s'opposer à la vérité. Tu les appelles à une chose, parmi le bien, parmi la vertu, parmi la piété. Alors eux, ils vont faire le contraire. Pourquoi? Par suivi de leur passion. Donc le musulman, il doit prendre garde à ne pas se laisser dominer par ses passions, mais il doit lutter contre son âme, prendre le dessus sur elle et la contraindre à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. On se retrouve lundi prochain pour la suite de la lecture de ces préceptes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم